ce soir sur RVR Pop & Rock vous propose de découvrir des albums sortis fin 2020. Trois nouveaux albums plus particulièrement, les copines de Iggy Pop, les Death Valley Girls. Nous aurons également Frankie and the Witch Fingers. Tiens, ceux-là, je vais les rajouter à ma liste des groupes au nom étrange. Nous découvrirons aussi le dernier album de l'ex Sonic Youth, Thurston Moore. D'ailleurs, c'est avec lui que nous débutons deux titres, Cantaloupe, que l'on enchaînera avec Dreamer's Work. Vous êtes bien dans Pop & Rock sur RVR, tout de suite avec Thurston Moore. Thank you. chanteur des Sonic Youth, By the Fire. J'adore cet album, même si parfois les intros sont très, voire trop longues à mon goût, mais assez parlé. Voici un deuxième titre de Moore, Dreamers Rock. Thurston Moore, si vous avez aimé ces deux titres, foncez sur son dernier album, vous l'adorerez. Pour la petite histoire, Sonic Youth s'est arrêté en 2011 à cause de l'histoire d'amour qui finit mal. comme nous le répétaient la ringée et le chichin. Un des morceaux de Frankie and the Witch Fingers. Comment traduire ce nom? Frankie et les doigts de sorcière. Peu importe, il faut absolument que vous écoutiez leur dernier album qui vient de sortir avec un titre tout aussi original. Le titre de l'album, allez, je me lance. Monster Eating People Eating Monster Eating People. Ouais, je sais. Je crois qu'eux aussi ne font pas que marcher sur l'herbe. On a écouté Sweet Freak, le second titre que j'ai choisi est plus tranquille. On écoute Frankie and the Witch Fingers avec Reaper. Thank you. kisses. So how much longer can you blow? Heading toward the other side. Time is frozen in your eyes. And we don't like to disappear. Notre 24e minute dans Pop and Rock, prenons une petite parenthèse de bonheur pour retrouver le fameux inconnu, le guitare hero invisible, l'homme aux lunettes noires et la barbe grisonnante, le rocker défunt, Neil Casal, pour une bulle douce amère, Neil Casal avec le titre prémonitoire Free to Go. Go, you are free to go. sur la page Facebook de Pop and Rock. Retrouvez toutes les émissions en podcast. Quand le chanteur des Black Keys décide d'être en solo, ça donne The Prowl que nous venons d'écouter. Allez, on poursuit notre pop and rock sur RVR avec le troisième nouvel album sorti fin 2020. Cette fois, c'est un groupe validé par Iggy Pop que je vous propose. 4 ou 5 filles avec un mec, ça donne Death Valley Girls. C'est leur troisième album depuis 2014. J'ai hâte de plus les découvrir. Je trouve qu'elles ont un son. Il faut aimer la voix de la chanteuse. La batteuse s'appelle Patty Chamel, ex du groupe Hole, groupe de Courtney Love. Mais trêve de discussion, on écoute Death Valley Girls avec le premier titre pour ce soir, Under the Spell of Joy. Under the spell of joy, under the spell of love, under the spell of joy. Yeah. plaît. Si c'est le cas, je vous offre un dernier titre de Death Valley Girls. Le morceau s'appelle Say, Say, Says. Vous n'aimez pas? Tant pis. Dream. Hendrix avec son blues du purgatoire, ou quand Hollywood laisse ses starlettes, ou du moins une de ses starlettes, s'amuser avec une bande de potes musiciens. Allez, seconde page de Pop and Rock sur RVR qui s'ouvre, plus question de nouveautés mais retour vers nos classiques, à commencer par les joueurs de foot de Casabienne avec leur shoot de Brunner. Visite en Angleterre avec Casabienne, on revient chez Molière avec deux groupes qu'on va enchaîner, deux groupes made in France mais qui préfèrent la langue de Shakespeare. Lane pour commencer, suivi du duo de Perlo Snakes. Yeah. morceau de Lane. La francophonie en prend un coup que les Belges de Girls in Hawaii ne vont pas arranger. On fonce donc chez nos voisins, Girls in Hawaii avec le titre Flavor, et ensuite on se quittera avec The Man. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous.